إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, nous avons vu ensemble, lors du premier cours, le moyen le plus grand et le plus important pour accéder à une vie heureuse et agréable. Ce moyen qui est le fait de joindre la foi aux bonnes actions, et qui a été d'ailleurs mentionné au début de cette épître par le Cheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di rahimahullah. Nous allons continuer ce soir et découvrir d'autres moyens qui procurent cette tranquillité du cœur et qui dissipent les soucis pour vivre une vie agréable et heureuse. Le Cheikh dit rahimahullah, parmi ces moyens qui font disparaître la tristesse et l'angoisse, il y a la bienfaisance envers les créatures, par l'entraide, les bonnes paroles ou les actes. Tout ceci fait partie du bien et de la bienfaisance. C'est avec cela qu'Allah écarte du pieux et du pervers les tristesses et les angoisses. Mais le croyant aura certainement une plus grande part et se distinguera du pervers, puisque sa bienfaisance émane de sa sincérité et de son espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah lui facilite les œuvres de bienfaisance et l'écarte de toute chose détestable avec sa sincérité et son espoir de trouver une meilleure rétribution auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset « Il n'y a rien de bon dans la plupart ou dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne de faire une aumône, un acte de bienfaisance ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous lui donnerons une récompense énorme. » Allah nous informe que tous ces actes mentionnés seront considérés comme bien pour celui qui les accomplit. Le bien appelle et attire le bien, et écarte le mal, et le croyant qui nourrit ses espoirs en la récompense d'Allah, Allah lui donnera de grandes récompenses. Parmi ces récompenses, la disparition et la dissipation des angoisses, des tristesses et autres. Donc, la bienfaisance envers les gens est une grande cause pour dissiper les soucis et les tristesses, comme le Cheikh rahimallah l'a évoqué, que cela soit par la parole ou par les actes. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. » Et celui qui lit et médite l'histoire des trois personnes, des trois hommes qui ont été bloqués à l'intérieur de la grotte par un rocher, s'apercevra que la cause et le moyen qui les a libérés de cette épreuve est la bienfaisance envers les gens. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir qui les fit entrer dans une grotte, où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils dirent alors « Rien ne pourra nous sauver de ce rocher, si ce n'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant nos bonnes actions passées. » L'un d'eux dit « Oh Allah, j'avais deux parents âgés et je ne donnais jamais à boire à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou autre. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné. si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner à boire du lait à une autre personne de ma famille avant eux. J'ai donc patienté, tenant le bol dans mes deux mains, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour. Alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds, ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second dit: Ô Allah, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Dans une autre version, que j'aimais aussi fort que l'homme aime les femmes. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle s'y est toujours refusée. Jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 120 dinars, à condition qu'elle se donne à moi. Elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses deux jambes, elle dit: Crains Allah, et ne romps le cachet, c'est-à-dire l'hymen, que dans la légitimité du mariage. Je la laissa alors, bien qu'elle fût pour moi l'être que j'aimais le plus, et je lui ai quand même laissé l'or que je lui avais donné. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième homme dit: Ô Allah, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai tous rétribués, sauf l'un d'eux, qui partit en me laissant son salaire. Je lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire: Ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis: Tout ce que tu vois là comme chameau, bovin, ovin et esclave est le produit de ton salaire. Il dit alors: Ô serviteur d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? Je dis: Je ne me moque pas de toi. Il prit alors tous ses biens et partit chez lui sans rien en laisser. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher alors s'écarta et ils sortirent en marchant. Donc à travers cette histoire, nous remarquons que le premier homme a évoqué comme bonne action la bienfaisance envers ses parents. Le deuxième a évoqué comme bonne action la bienfaisance envers sa cousine quand elle lui a demandé de craindre Allah et de l'approcher que par le biais du mariage. À ce moment-là, il a été bienfaisant envers lui-même en s'écartant de ce péché qui est la fornication et bienfaisant envers sa cousine en la préservant de ce péché et en lui laissant tout cet argent qu'il lui avait donné. Et le troisième homme a évoqué comme bonne action la bienfaisance envers ses salariés. Après ceci, le rocher qui bloquait l'entrée de la grotte s'écarta entièrement et ils ont pu sortir. Le cheikh rahimallah dit dans le paragraphe un peu plus haut: C'est avec cette bienfaisance envers les gens qu'Allah écarte du pieux et du pervers les tristesses et les angoisses. Ensuite, il dit, rahimahullah, mais le croyant aura certainement la plus grande part. Pourquoi? Car ce qui le pousse et le motive à être bienfaisant envers les gens est son espoir en la récompense d'Allah, et non l'espoir d'avoir un bien mondain. Tandis que le non-croyant est récompensé pour ses bonnes actions dans cette vie d'ici-bas uniquement. Allah dit dans le sens du verset: Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'est-à-dire les non-croyants, dans cette vie d'ici-bas, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée, c'est-à-dire le jour du jugement. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Lorsque le mécréant fait une bonne action, il sera récompensé par quelque nourriture d'ici-bas. Quant au croyant, Allah lui réserve ses bonnes actions pour l'au-delà, et il lui accorde des subsistances ou donations ici-bas pour son obéissance. Dans une autre version, Allah ne laisse jamais un croyant pour une bonne action qu'il a faite. Pour celle-ci, il lui accorde des subsistances ici-bas, ainsi que la récompense dans l'au-delà. Quant au mécréant, les bonnes actions qu'il fait pour Allah ici-bas se traduisent en nourriture accordée, de sorte que lorsqu'il arrivera dans l'au-delà, le jour du jugement, il n'y aura plus aucune bonne action. Donc le bien attire le bien et le mal attire le mal. Ceci est une règle. Celui qui fait du bien récoltera du bien, et celui qui fait du mal récoltera du mal. Il a été rapporté dans les hadiths et mis en évidence que celui qui est bienfaisant envers les gens sera rétribué avec le même bien qu'il a fait à ces gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens du hadith, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant d'un péché qu'il a commis, Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Et le contraire de cela est aussi valable. Comme il a été rapporté et mis en évidence, celui qui fait du mal envers les gens, il sera rétribué de la même manière, du même mal. Et dans le hadith, le prophète sallam dit, celui qui suit les défauts et les péchés de son frère, Allah suivra ses défauts et ses péchés, et les dévoilera même ceux qu'il a commis en étant seul dans sa demeure. Ensuite, le shir dit, mais aussi, parmi les moyens qui écartent l'angoisse, ayant pour origine la tendance des nerfs et les soucis et la tristesse qui occupent le cœur, il y a le fait d'avoir une occupation, qu'elle soit mondaine et bien sûr permise, ou religieuse, comme le fait d'étudier des sciences utiles, car ceci préoccupe le cœur et lui permet d'oublier ses angoisses et les raisons qui lui auront causé ses angoisses et ses soucis. Et ceci est valable pour le croyant et le non-croyant. Par contre, le croyant se distingue par sa foi, sa sincérité et son espoir en la récompense d'Allah. Quand il s'occupe en étudiant ou en enseignant le bien qu'il connaît, que ceci soit une adoration ou une science mondaine utile dans le but que cela l'aide dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a des effets efficaces et est une cause pour se débarrasser des soucis, des angoisses et des tristesses. Il est important de choisir une occupation qui nous attire, qu'on aime, car cela est plus propice pour atteindre le résultat voulu et Allah est le plus savant. Donc, la meilleure science que le croyant peut étudier et qui peut occuper et qui peut le préoccuper, Naam, et occuper son cœur, est l'étude du tawhid. La science est l'étude des noms. Donc la science est l'étude des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude de ce qui lui revient de droit dans l'adoration et la seigneurie. Puis il étudie ce qui lui est utile, comme le fiqh, le tafsir, la langue arabe, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la biographie des salafs, des pieux prédécesseurs. Tout ceci lui fait oublier ses angoisses et ses soucis et empêche le diable de lui faire peur et de lui insuffler de mauvaises idées et de mauvaises décisions. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de notre religion et qu'il nous raffermisse sur celle-ci jusqu'à notre mort et jusqu'à le rencontrer. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.